L'exposé national scientifique et technique du secteur de protection territoriale et de l'environnement, consacré au 20e anniversaire de la publication de l'œuvre du général Kim Jong-il pour opérer un nouveau tournant dans l'entretien territorial, s'est déroulé le 22 au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part les officiels, scientifiques, techniciens et enseignants du secteur intéressé. À la suite de l'allocution inaugurale, une quarantaine de thèses sur les problèmes scientifiques et techniques posés pour redynamiser le reboisement et la protection du sol, scientifiser et moderniser l'entretien des routes et des cours d'eau, et améliorer le travail de protection et d'entretien de l'environnement et de la nature, y ont été présentées. On y a remis les diplômes et primes aux participants.